Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. 14e épisode. Après une traque interminable jusqu'à l'autre bout du monde, Akab aperçoit enfin, un matin, de la pomme du grand cacatois où il s'est fait installer, le fameux cachalot qui a arraché sa jambe. Éblouissant de blancheur dans la lumière pailletée du jour qui vient, Moby Dick glisse sur l'eau comme un dieu en gloire. Akab fait mettre ses embarcations à la mer et mène l'assaut. Pendant l'affrontement, l'animal brise la baleinière d'Akab en deux dans ses énormes mâchoires avant de s'éloigner d'un air maussade. Au terme du premier jour de chasse de l'animal fabuleux, tous les équipages des pirogues sont recueillis sains et saufs par le navire. Le voyez-vous ? Tout le monde sur le pont et toute la toile dessus. Il va plus vite que je ne pensais. Les cacatois, on aurait dû les garder toute la nuit. Tant pis. Ce n'est qu'un répit avant l'assaut. Il faut préciser ici que cette poursuite obstinée d'une baleine particulière tout le jour et toute la nuit n'est nullement exceptionnelle dans les campagnes des mers du Sud. Car tel est le génie, oui, le mot n'est pas trop fort, le génie naturel de certains capitaines de Nantucket, mélange de talent, d'intuition et d'expérience, que la simple observation d'une baleine au moment où elle a été signalée pour la dernière fois leur suffit pour prédire précisément la direction dans laquelle elle continuera un moment sa nage et la vitesse probable de sa progression pendant ce temps. On était au point du jour. Le Pequod labourait puissamment les eaux, laissant derrière lui un sillon pareil à celui qu'un boulet de canon perdu creuse dans un champ plat. Stubbs s'ébrouait. Par le sel et le chanvre, cette vibration du pont vous monte dans les jambes et vous chatouille le cœur. Oh, la coque, nous sommes deux braves, toi et moi. Ah, quelle vitesse! Fouble-là! Fouble-là, droit devant! Je le savais. Tu ne pourras pas t'échapper. Souffle, souffle à en crever ton évent, ô baleine. Le diable en personne est à tes trousses et il est enragé. Souffle à t'en faire éclater les poumons. Akab lèvera une digue contre tes flots de sang comme un meunier ferme la vanne de son moulin. Stubb exprimait là ce que tous les marins du Pequod pensaient et ressentaient. Les fureurs de la chasse avaient maintenant atteint en chacun d'eux leur paroxysme. Leurs appréhensions fuyaient en désordre comme les lièvres craintifs des grandes plaines devant la charge bondissante du bison. La main du destin avait empoigné leurs âmes et les périls excitants de la journée précédente, l'attente fébrile de la nuit passée, la course obstinée, intrépide, aveugle, du navire fanatique courant après sa proie fuyante, ce tourbillon entraînait leur cœur à un rythme éperdu. Le vent puissant qui gonflait les voiles comme des panses semblait être le symbole de l'agent invisible qui les asservissait de la sorte à cette poursuite. Ils étaient un homme, un seul, non point 30, à l'instar du navire unique qui les emportait tous et dont les matériaux divers, le chêne, le pin, le fer, le goudron, le chanvre, se combinaient et s'ajustaient entre eux pour former une coque unique et robuste dont la marche harmonieuse était commandée par la longue quille centrale, Akab. Leur seigneur et maître. Le gréement tout entier vivait. Au sommet des mâts, comme à celui de hauts palmiers, se balançaient tels des bouquets de palmes, des touffes de bras et de jambes. Tous les espars portaient leurs grappes d'hommes mûrs pour leur sort. Et leurs regards continuaient à scruter sans relâche cet infini d'azur, dans l'espoir d'y repérer la chose qui allait peut-être les détruire. Pourquoi ne criez-vous pas si vous le voyez ? Rien depuis le dernier signal ? Marin, hissez-moi là-haut. Vous avez été abusé. Ce n'est pas Moby Dick qui envoie ainsi un souffle unique avant de disparaître. Akab avait raison. Dans leur fougueuse impatience, les hommes de vigie avaient pris quelque autre chose pour le souffle du cachalot. À peine avait-il atteint son perchoir qu'il lança la note tonique, reprise en un cri de triomphe par 30 poumons de cuir au moment où Moby Dick paraissait au regard de tous à moins d'un mille sur l'avant. Mais cette fois, le cachalot blanc ne révélait pas sa présence par ses souffles calmes et indolents, ni par la gerbe paisible de sa mystique fontaine, mais par le phénomène bien plus étonnant du saut. Remontant des plus lointaines profondeurs à une vitesse fulgurante et brisant puissamment la surface de l'eau, le cachalot projeta son énorme masse de marbre dans le pur élément de l'air. Et ce fut alors sur la plaine bleue de l'océan, se détachant de l'azur encore plus intense de la ligne d'horizon, une formidable montagne d'écume bouillonnante qui brillait intolérablement, brûlait les yeux comme les feux d'un glacier. Oui. Brèche une dernière fois vers le soleil, Moby Dick. Ton heure et ton harpon sont tout proches. Tous en bas sur le pont. Les pirogues. Parez à mettre à la mer. Monsieur Starbuck, le navire est à vous. Tenez-vous à l'écart des pirogues, mais sans vous en éloigner trop. À la mer, tous. Cette fois, comme pour frapper de terreur sur le champ les trois équipages, c'est Moby Dick qui attaque le premier. Rassemblant en un instant sa force et sa fureur, il fait volte-face et s'élance sur les trois baleinières. Les mâchoires ouvertes et la queue cinglante, livrant de tous côtés une effrayante bataille comme indifférente aux dards qui lui sont jetés de partout. Les canots, habilement manœuvrés, tournoient comme des chevaux de combat bien dressés et l'esquivent pendant un moment. Mais dans ces évolutions compliquées, le cachalot croise, recroise, enchevêtre de mille manières les trois lignes qui lui sont attachées et qui, se raccourcissant, halent d'elles-mêmes les malheureuses pirogues vers les fers plantés dans ses chairs. Moby Dick, pourtant, semble se préparer à une charge plus formidable encore. Il s'écarte un peu, mais c'est pour mieux attirer avec une force irrésistible les baleinières empêtrées de stubs et de flasques vers les lobes de sa queue. Et là, il les frappe ensemble comme deux coquillages roulant sur une plage battue par les brisants, avant de sonder et de disparaître dans un maelstrom bouillonnant. Abandonnant deux épaves qui tourbillonnent dans les eaux parmi les avirons et les débris odorants de cèdre. Je vois le petit flasque tout de guingois qui danse sur les vagues comme une fiole vide, lançant ses jambes en l'air pour échapper aux redoutables mâchoires des requins. Je vois Stubb qui réclame à plein gosier qu'on vienne le ramasser à la petite cuillère. Et soudain, du sein de ce chaos de mille violences et périls simultanés, la baleinière d'Akab, encore indemne, paraît soulevée vers le ciel par des fils invisibles. C'est le large front de Moby Dick, telle une flèche jaillie verticalement des profondeurs, qui a heurté le fond de la pirogue et l'envoie tournoyer dans les airs. La pirogue retombe violemment, sans dessus-dessous, au centre du carnage. Et Akab et ses hommes se démènent à présent pour s'en dégager comme des phoques fuyant d'une grotte sous-marine. Le cachalot s'attarde un moment à quelque distance du centre du carnage, laissant battre doucement les palmes de sa queue et bientôt, comme satisfait de la besogne accomplie, il enfonce dans la vague son front plissé et tel un voyageur au pas régulier, il reprend sa course sous le vent, traînant dans son sillage un fouillis de lignes et de lances emmêlées. Comme la veille, le navire qui avait suivi la scène avec la plus grande attention se porta à la rescousse, mit un canot à la mer et recueillit les marins naufragés, les bailles, les avirons qui flottaient et tout ce qui pouvait se ramasser. Épaules, poignets et chevilles luxées, contusions livides, les blessures étaient nombreuses mais légères. Akab, lorsqu'on le trouva, était désespérément cramponné à la moitié encore intacte de sa baleinière qui lui avait permis de flotter sans trop de difficultés. Quand on l'eut hissé sur le pont, tous les regards se fixèrent sur sa personne. Il ne pouvait se tenir droit par ses propres moyens. Il se pendait à demi à l'épaule de Starbuck qui avait été le premier à lui porter secours. Ah, Starbuck, comme il est doux de s'appuyer parfois. Hakam, que n'as-tu cherché plus souvent un appui ? La virole de votre jambe n'a pas résisté, monsieur. J'avais pourtant fait de la belle ouvrage. Pas d'os cassé, monsieur, j'espère. Si, Stubb. Et brisé en mille éclats. Regarde ce moignon. Tout ce qui reste de ma jambe. Mais, même avec un os rompu, le vieil Hakam est entier. Et il n'est point de cachalot blanc, point d'homme ni de démon qui puisse seulement égratigner l'être profond, inaccessible de ton capitaine. Existe-t-il un plomb capable de toucher le fond de cet océan? Un mât capable d'atteindre au toit du ciel? Oh, là-haut! Quelle direction? Droite sous le vent, messieurs! Alors, barre dessus! Monsieur Starbuck, amenez les baleinières de rechange et gréez-les. Allez, rassemblez les équipages. Ah, comme cette esquille me torture. Destin maudit. Un capitaine à l'âme invincible flanqué d'un aussi lâche second. Monsieur! Mon corps, Starbuck. Pas toi. Donne-moi quelque chose qui me serve de canne. Là, cette lance rompue fera l'affaire. Rassemblez les hommes pour l'appel. Où est-il? Je ne l'ai pas encore vu. Où, par le ciel? C'est impossible! Disparu? Le Parsi. Il manque à l'appel, monsieur. Il a dû être pris. La peste noire te suffoque. Courez, tous! Cherchez! Trouvez-le! Disparu? Non! Il a dû être pris dans les nœuds de votre ligne, monsieur. Je crois bien l'avoir vu entraîner au fond. Ma ligne, Stubb, dans les nœuds de ma ligne, disparu. Quel glas lugubre font retentir ces trois syllabes. Et le harpon, le voyez-vous? Fouillez dans ces débris, là-bas. Le fer forgé, marin, celui du cachalot blanc. Non, non, imbécile. C'est ta main qui l'a lancé, la tienne. Il est planté dans l'animal. Oh, vigile! Ne le perdez pas de vue! Vite! Tous les hommes à créer les pirogues! Harponneurs! Les fers! Plus haut, les cacatoires! La barre, timonier, doucement par ta vie! Je ferai 10 fois le tour du globe incommensurable, je le traverserai de part en part, mais je tuerai ce maudit poisson. Grand Dieu, Hakam, mais montre-toi vraiment, ne fût-ce qu'un seul instant. Jamais, jamais tu ne l'attraperas, vieil homme. Au nom de Jésus, mets un terme à tout ceci, qui est pire que la folie du diable. 2 jours de chasse. Nos pirogues par 2 fois défoncées, ta jambe arrachée, ton ombre maudite disparue. Les bons anges accourent en foule pour t'avertir. Que veux-tu de plus? Allons-nous continuer à chasser ce poisson meurtrier jusqu'à ce qu'il nous entraîne au fond de l'abîme? Le poursuivre plus longtemps est impie et sacrilège. Starbuck, je me sens étrangement attiré vers toi depuis que nous avons vu ce que tu sais dans les yeux l'un de l'autre. Mais, pour ce qui touche au cachalot, que ton visage soit comme la paume de cette main, dépourvue de lèvres, vide de toute expression. Hakam est Hakam à jamais, mon garçon. Ce drame est écrit depuis toujours. Nous l'avons répété 1 milliard d'années avant que ne roulent les eaux de cet océan. Insensé. Je suis le lieutenant des parcs et n'agis que sur ordre. Quant à toi, subalterne, veille à obéir aux miens. Deux jours de suite. Demain sera le troisième. Un avertissement, a-t-il dit. Faut-il comprendre un présage ? Que veut dire ce mot ? Un présage. Si les dieux se proposent de parler à l'homme, qu'ils le fassent franchement, au lieu de proférer d'obscurs sous-entendus de vieilles femmes. Mais le Parsi... Le Parsi... disparu. Il devait partir le premier et reparaître avant que je périsse. Comment comprendre cela ? Voilà une énigme bien déconcertante. Elle me picote le cerveau comme un bec de faucon. Mais je la résoudrai. Je la résoudrai. Quand le jour tomba, le cachalot était toujours en vue sous le vent. Cette fois-ci encore, on diminua de toile. Et toute la nuit jusqu'à l'aube, on entendit le bruit des marteaux et le bourdonnement de la meule sur le pont. À la lumière des falots, les hommes gréaient à neuf les embarcations de rechange et aiguisaient leurs nouvelles armes pour le lendemain. Le charpentier taillait, dans la quille brisée du canot d'Akab, une autre jambe. Akab, lui, comme la nuit précédente, se tenait immobile dans son écoutille. Son regard d'héliotrope, dardé sur l'Orient, attendait le premier soleil. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Quatorzième épisode. Avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Akab, Olivier Clavery, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Jean-Paul Bézina, le charpentier, et Jean Ocotrel, Nicolas Racca, Jean-Luc de Baptiste, Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboiliten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roc, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.